Nous avons tout pleinement en lui. Tout est accompli. Nous avons tout pleinement en lui. Prends garde que personne fasse de toi sa proie par la philosophie. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, le seul happy. Tout est accompli, nous avons tout pleinement envie. Tout est accompli, nous avons tout pleinement envie. Nous avons tout pleinement envie. Tout est accompli. Nous avons tout pleinement envie. J'ai vu le ciel considérer la terre dans son ouvrage, tout l'univers revu la vie. Jésus béni, au-dessus de tout, toute autorité, notre grand Dieu règne. Pourquoi aller chercher ailleurs la vérité? En lui habite la plénitude, tout ce dont nous avons besoin. Que notre intelligence soit renouvelée, que l'on réalise Dieu révélé, Dieu la majesté. Tout est accompli, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Tout est accompli. Nous avons tout pleinement en lui. Tout est accompli. Nous avons tout pleinement. Love.